Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, premier volet de notre série consacrée aux figures politiques de la Ve République qu'on a vues sur orbite, mais qui n'ont jamais atteint leur but. Ceux-là sont passés à côté de leur destin, et le pays est passé à côté d'eux. Pourtant, ils avaient tout pour accéder à l'Élysée. L'historien Jean Garrigue, notre invité aujourd'hui, les appelle les perdants magnifiques. C'est le livre qu'il a dirigé au titre éponyme qui nous a d'ailleurs inspiré l'idée de cette série documentaire. Ainsi, chaque lundi pendant 6 semaines, nous vous raconterons l'histoire de ces hommes qui tous ont été donnés un moment grand favori de la présidentielle, même quand ils n'étaient pas candidats. On disait d'eux, c'est plié, ils seront présidents. Mais pour des raisons différentes, aucun n'est arrivé au port. Trahi par son propre camp, comme Jacques Chaban-Delmas, soutenu par ses troupes comme la corde du pendu, comme Raymond Barre, envie d'être président mais pas candidat, comme Jacques Delors, envie d'être candidat mais pas socialiste, comme Lionel Jospin, arrivé trop tard et donc has-been, comme Alain Juppé. À cette liste, nous pourrions ajouter Édouard Balladur, diva des sondages, qui en un soir dégringole piteusement son piédestal, Laurent Fabius, dauphin désigné de sa majorité mitterrandienne, sa majesté veux-je, aux ailes coupées par l'affaire du sang contaminé, DSK pour ses frasques personnelles, Michel Rocard, pour avoir été le contemporain de François Mitterrand, ou encore François Fillon, accusé d'avoir confondu argent privé et argent public. Dans Perdant Magnifique, il y a perdant, certes, mais il y a magnifique. Et s'il en est un, qui incarne mieux que tous les autres ce panache dans la défaite, c'est bien Pierre Mendès-France, l'homme de la probité en politique. Et c'est son histoire que nous vous racontons aujourd'hui. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Juin 1941, hôpital de Clermont-Ferrand. Il est 21h45, un homme se rase. Il a 34 ans, de taille moyenne, il a les yeux sombres, les cheveux aussi, des sourcils arqués, un nez droit, le menton avancé. Il noue les draps de son lit les uns aux autres. Cet homme vient d'être déchu de son mandat de député de l'Eure, ancien ministre de Léon Blum. Il s'appelle Pierre Mendès-France et cela fait presque un an qu'il est prisonnier du régime de Vichy. Quand la guerre éclate 2 ans plus tôt, il sert dans l'armée de l'air. Et quand Pétain demande l'armistice le 17 juin 1940, lui veut poursuivre le combat. Alors il part pour Casablanca. Et il entend en chemin la voix du général de Gaulle à la radio le lendemain. Et il l'écoute passionnément. C'est le mot qu'il utilise lui-même. Mais au Maroc, un piège l'attend. Il est arrêté par la police. Puis il est transféré à la prison de Clermont-Ferrand. Pour le régime de Pétain, c'est un détenu de choix, mais ce n'est pas un détenu facile. Depuis qu'il est en prison, Pierre Mendès-France prépare son évasion. Dans sa cellule, là, au fond de son poêle, enfoui sous les cendres, il a caché de l'argent, des faux papiers et une lime. C'est son cousin qui lui a apporté dans un bocal de fruits confits. Ce 21 juin 1941, à l'hôpital de Clermont-Ferrand, le détenu Mendès-France a fait soigner pour un problème hépatique. Il décèle les barreaux de la fenêtre, qu'il a limé, prend sa valise. Sur son lit, il laisse une lettre. Elle est pour Pétain. « Je reprends une liberté à laquelle je n'ai pas cessé d'avoir droit », écrit-il. Puis il se hisse sur le rebord de la fenêtre, fait tomber sa corde tissée avec les draps, saute sur le mur de l'enceinte, quand un obstacle lui barre la route. « Me voilà donc en haut du mur, j'avais à sauter, c'était assez haut, mais il fallait prendre le risque. » Au moment où je vais sauter, il y avait des arbres plantés là le long de l'avenue. J'entends un bruit inattendu, des voix. J'essaye de voir dans la demi-obscurité. Il y avait un couple sous l'arbre et vous pouvez imaginer l'objet de leur conversation. Lui avait des idées très précises. Elle n'était pas décidée. Et ça m'a paru très long. Elle a fini par dire oui, mais vraiment, j'ai eu l'impression d'une très longue résistance. Mais moi, en haut de mon... Je vous promets que j'étais plus heureux que lui, je vous jure. Pierre Mendès-France est un homme de la résistance, de l'action. Une fois évadé, il veut gagner Londres. Le voyage est long. Grenoble, Chambéry, Annecy, Marseille, Rennes, puis la Suisse, l'Espagne, le Portugal. Le 20 février 1942, quand enfin il arrive à Londres, en hydravion depuis Lisbonne, il est en cavale depuis 8 mois. À peine est-il arrivé qu'il reçoit une invitation. Le soir même, il est attendu pour dîner à l'hôtel Connaught. Dans cet établissement vit le commandant des forces françaises libres, le général de Gaulle. Et le général veut rencontrer Mendès. Pour lui, c'est une recrue de poids. Mendès raconte cette rencontre dans le film Le Chagrin d'Amitié. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis trouvé en présence de Gaulle. Et pour moi, de me trouver en présence de Gaulle, j'avoue que c'était un événement bouleversant, un événement profondément émouvant. Je dois dire qu'il m'a reçu très très bien. Enfin, personnellement, je n'ai pas eu à me plaindre. Peut-être parce que la conversation a été plus longue. De Gaulle est séduit par cet homme sans prétention qui veut continuer à se battre alors qu'il a sa place dans un bureau. Mendès, lui, est admiratif du personnage qu'il a en face de lui. Pourtant, tout devrait les opposer, leurs origines, leurs opinions, leurs philosophies. Mais ce qui les rassemble, c'est leur patriotisme, leur intransigeance, leur certitude que ce qui compte, ce ne sont pas les appartenances politiques, non. Ce sont les hommes. Alors, De Gaulle le presse d'entrer dans son gouvernement, le Comité français de libération nationale. Mais non, répète Mendès, je suis en Angleterre pour me battre, pas pour faire de la politique. Le voilà qui s'obstine à refuser un poste de ministre. Parce qu'à Londres, il a rejoint le groupe Lorraine, une unité de bombardiers composée exclusivement de volontaires. Et c'est là que se battent aussi Pierre Dac, Romain Gary. Et Mendès est navigateur, c'est lui qui guide les pilotes. Bref, c'est sur le terrain qu'il se sent utile, pas dans les sphères du pouvoir, fût-elle celle de la résistance. Le 9 novembre 1943, comme tous les matins, Mendès arrive à la base. Mais il est accueilli bizarrement. À son passage, ses camarades lui donnent du « bonjour, monsieur le ministre », en le saluant bien bas. Bon, c'est une moquerie, pense-t-il, mais non. Ils ont entendu à la radio que leur compagnon était le nouveau commissaire aux finances. Car de Gaulle ne lui laisse plus le choix. Alors, contraint, Mendès rejoint Alger. Et sa mission est difficile. Financer la résistance et préparer un plan pour remettre le pays sur pied quand il sera libéré. Cette France, qui finit par être libérée, il la visite en septembre 44. À Paris, c'est le chaos. Pas d'électricité, pas de gaz. Dans certains quartiers, pas d'eau, pas de métro, ni d'essence. Il n'y a pas de chauffage, pas d'ascenseur, pas de train. Il écrit à sa femme, « C'est un désert, quelle tristesse !» Alors, il faut mettre en place une économie de guerre, austère, contraignante. Il parle à la nation en décembre 44. Je crois qu'un grand peuple comme le nôtre veut qu'on lui parle avec franchise. Il y a chez nous en France une immense majorité d'hommes et de femmes qui supportent avec un véritable héroïsme et en silence de dures privations en ce sixième hiver de guerre et qui souvent ont des raisons morales de souffrir, plus cruelles encore que les raisons matérielles. Le plus digne hommage qu'on puisse leur rendre, c'est de leur dire les choses comme elles sont, mais aussi d'ajouter, parce que c'est vrai, que tout de même, leur épreuve approche de sa fin. La victoire est certaine, mais si la France tout entière y apporte son plein concours, cette victoire sera plus vite atteinte. Les lendemains en seront plus heureux et plus beaux. Et voilà qu'on voit poindre la grande ambition de Mendès, celle qui dirige sa vie politique, dire la vérité. Mais n'est-ce pas là le chemin de la démocratie, la vérité? Sauf que son plan d'austérité ne fait pas l'unanimité. De Gaulle craint le mécontentement et la poussée du communisme. Alors Mendès se bat. Il écrit à sa femme, début 45, « Travail lourd. Par moments, je souhaite de tout cœur être battu pour pouvoir m'en aller. » Et il s'en va. Le pouvoir ne l'intéresse pas si c'est au mépris de ses convictions. De Gaulle accepte. Et il faut y voir un signe d'estime, parce que le général ne goûte guère qu'on claque la porte de son gouvernement. Mais les deux ont l'un pour l'autre quelque chose qui serait du ressort de l'affection. Mendès est un cheval qu'on n'attelle pas, commande De Gaulle. En 1945, Pierre Mendès France a 38 ans et c'est un homme politique seul. Pourtant, après avoir été le plus jeune bachelier de France, le plus jeune député et être sorti de la guerre auréole de gloire, il a son avenir politique devant lui. Alors il revient à Louvier, en Normandie, sa petite patrie, comme il l'appelle. C'est une commune dont il était le maire et le député avant la guerre. Mais la ville est désolée, des quartiers entiers ont été rasés. Sa maison, sur les hauteurs, est abîmée elle aussi. tout, le département est à reconstruire. Alors, il prend la tête du conseil départemental de l'Eure, puis se fait élire député. Mais c'est la scène politique nationale qui le demande. En 46, 47 et 48, la jeune 4e République l'appelle au gouvernement. Mais il impose ses conditions, et elles sont drastiques. Parce qu'il voit se préparer une catastrophe monétaire et qu'il sait que sans une politique d'austérité, la reconstruction du pays est compromise et qu'à terme, l'Empire également. Lui veut élever de 5 ans l'âge de la retraite, nationaliser les banques, augmenter les tarifs de la SNCF, du charbon, du pain. Sans ça, il ne faut pas compter sur lui. Et les partis politiques refusent. Et comme la 4e République est entièrement construite autour d'eux et que Mendès, lui, n'est pas un homme de parti, il n'a pas sa place au pouvoir. Tant et si bien que l'opposition, finalement, lui convient. Et il s'en explique au micro de Jacques Chancel en 1973. Le pouvoir vous manque ? Je ne suis pas de ceux qui sont taraudés, rongés par le besoin du pouvoir. C'est vrai que je me rends pleinement compte qu'au pouvoir, on peut agir, on peut servir. Je crois que quand on n'est pas au pouvoir, on doit aussi s'efforcer de servir, de rendre service en faisant avancer les choses auxquelles on est attaché, les causes auxquelles on est attaché. Ça consiste inévitablement à choisir entre des inconvénients, c'est-à-dire à choisir, toujours choisir. Ne plus gouverner, c'est encore choisir. Jamais prêt à transiger sur ses principes, Mendès devient l'éternel outsider. On le respecte, certes. On craint l'ancien ministre de Blum et du général de Gaulle parfois. Mais certains ne sont pas mécontents de le voir se mettre hors jeu tout seul. Il ne fait rien pour conquérir le pouvoir. L'histoire est parfois facétieuse. C'est le pouvoir qui viendra à lui. Et c'est le dossier indochinois qui le remet en selle. Dans cette contrée lointaine, la guerre éclate en 1946. D'année en année, elle s'étend. Dès 1950, Mendès martèle que c'est un conflit sans espoir et sans fin, et que si la France veut la gagner, il faudra d'abord qu'elle se ruine. Il faut négocier avec le Viet Minh, clame-t-il, mais il prêche dans le désert, et il hérite du surnom Cassandre, celui qui annonce les catastrophes, mais que personne ne croit ou ne veut croire. Pourtant, les faits lui donnent raison. Les mois passent, le Viet Minh gagne du terrain, l'armée française en perd, en même temps que ses hommes. Face à cette situation, Mendès va plus loin. Il faut accorder l'indépendance au Vietnam. Petit à petit, il gagne des partisans. Le 30 décembre 1951, il monte à la tribune de l'Assemblée. Dans les travées, la journaliste de France Dimanche, François Giroux, écoute et écrit. Soudain, vers 6h moins le quart, on entend « La parole est à Monsieur Mendès France ». Alors, un léger frémissement parcourt les travées. Les têtes se lèvent, les murmures cessent. Un homme petit, brun, au visage pâle et presque douloureux, monte posément à la tribune, ouvre un dossier épais, commence à parler. 2 heures plus tard, il parle encore. De la voix pure de ceux qui sont certains d'avoir raison, le député de l'Eure développe avec sobriété et clarté une thèse dont l'originalité semble stupéfier tous ses collègues. Mendès France est écouté dans un silence religieux. François Giroux est conquise, on l'aura compris. Tout comme son compagnon d'ailleurs, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ensemble, ils font l'Express Revue qui ne se contente pas d'être en faveur de Mendès, mais qui veut le porter au pouvoir. Le 16 mai 1953, la une du premier numéro annonce une interview de lui titrée « La France peut supporter la vérité ». Mendès n'est plus seul. Armé de ses prophéties qui se réalisent et d'un organe de presse en sa faveur, il passe d'outsider à possible chef du gouvernement. À 16 ans, il disait « Je serai député à 25 ans, ministre à 30 et président du conseil à 45 ». Il a été député à 25 ans, nommé ministre à 31. Et à 47 ans, en 1954, le 18 juin, il devient président du conseil. Lorsque Mendès est arrivé au pouvoir, dirait Montbard, un autre Cassandre, le ciel s'est éclairé. Au pourquoi donc irais-je encore à la guerre ? Après ce que j'ai vu avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère ? Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elles berçaient pour moi des rêveries anciennes, illusions d'un enfant dont il n'est rien resté. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères. Bleuets coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes, ni le feu, ni le fer, n'y pourront jamais rien. Car l'amour et lui seul survit parmi les flammes. Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien. Pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse, alors que le bonheur est peut-être à deux pas? Je suis là pour t'aimer, je veux t'aimer sans cesse, afin que le soleil se lève sur nos pas. Et un jour, Stéphane est venu rentrer au journal à l'Observateur, extrêmement frappé, il disait, par une conversation qu'il venait d'avoir avec Mendès. Mendès venait de prendre position au Parlement, il venait de faire tomber Bidault, et il était visible qu'il allait être le prochain président du Conseil. Alors, Roger Stéphane, au comble de la joie, est allé le féliciter, et a trouvé un Mendès qui avait pas très bon moral. Il lui a dit, mais enfin, c'est extraordinaire, vous êtes l'homme qui allait libérer l'Indochine, vous allez libérer l'Afrique du Nord, vous allez faire la paix en Afrique du Nord. Eh oui, lui répondit Mendès, et c'est ça que Roger Stéphane, assez désolé, est venu nous dire. On dira que je suis le juif qui a bradé l'Indochine, on dira que je suis le juif qui a bradé l'Afrique du Nord. Arrivé à la tête du gouvernement, comme le dit le journaliste Claude Bourdet que vous venez d'entendre, Mendès ne se réjouit pas. Il n'est pas un homme que le pouvoir satisfait. Pour lui, un homme politique, ça sert des idées, ça ne se sert pas soi-même. L'urgence, c'est l'Indochine. En mai, un mois plus tôt, ont été lancées à Genève des négociations entre la France et le Vietnam. Dien Bien Phu traumatise la nation. Le Viet Minh harcèle l'armée française. Les chefs militaires dressent un tableau épouvantable. Ils ne peuvent plus tenir que 3 semaines. Mendès, lui, s'engage à obtenir la paix avant un mois. Il gagne en popularité et plus encore quand, le 21 juillet, il s'adresse aux Français. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. J'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Songeons ensemble à ceux qui, hélas, ne reviendront pas. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres. Grâce à ses talents de négociateur, Mendès met fin à la guerre d'Indochine et cède une colonie. En un mois, il réussit là où tous ont échoué depuis 8 ans, ce qui lui vaut un nouveau surnom des Américains, Superman. Et il ne faut pas plus de 10 jours pour que Superman ne libère du protectorat français un autre bout de l'Empire, la Tunisie. Mendès est l'homme du début de la décolonisation. Six mois plus tard, le 5 février 1955, pourtant, son gouvernement est renversé. Qu'à cela ne tienne, partout il force l'admiration, sauf à l'Assemblée nationale, où il agace. Pire, on le hait autant que certains l'adorent. Jean Cocteau écrit en 1955, ils en étaient malades. La preuve de cette haine physique et insupportable comme une rage de dents, c'est qu'on n'oppose aucun système à ceux de Mendès France. Il s'agit de haine sans suite, sans but, à l'état pur. Les gaullistes lui en veulent pour la communauté européenne de défense qu'il a enterrée, la droite pour l'empire qu'il démantèle. Le 5 février 1955, Mendès est devenu un gêneur, alors il est renversé. Mais il rassure ses collaborateurs, ce n'était qu'un galop d'essai. Il est convaincu qu'il reviendra bientôt au pouvoir. Il a tort. Par un froid matin d'hiver, se terminent les 7 mois et 18 jours de son mandat à la tête de la France. Un an après, le populiste Pierre Poujade épingle Pierre Mendès France dans son style agressif, insultant. Tu es en France depuis quelques générations, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Dupont, de Durand, de Poujade qui ont apporté leur sang, n'est-ce pas, avec le tien? Est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. C'est toi le raciste, puisque tu n'as pas voulu te mélanger. Tu es venu te mettre dans la communauté française. Tu es venu profiter de la communauté française, de tout ce qu'elle t'a apporté, de cette générosité. Tu en as profité, tu t'es enrichi, tu t'es développé et tu es resté là. Entre les mots, un parfum de racisme, d'antisémitisme, dont souffre Pierre Mendès France. Enfin, quand la guerre d'Algérie s'amplifie en 56, vu ses états de service, son succès politique dans le dossier indochinois, il est pressenti pour prendre la tête du gouvernement. Idée que beaucoup en France acclament à grands cris de Mendès au pouvoir. Mais Mendès préfère soutenir le socialiste Guy Mollet. Ses partisans sont désespérés. François Giroud écrit « Il s'est conduit comme un homme qui brûle légitimement d'être un agent de l'histoire et qui est en situation de l'être. » Eh bien, il regarde la fille, mais laisse à l'autre le soin de lui faire un enfant. Parce que Mendès pense profondément qu'un juif ne doit pas s'occuper de l'Algérie. Et de toute façon, René Coty, le président de la République, lui avoue « Depuis que je cherche un président de conseil, tous les chefs de parti m'ont dit « Nommez qui vous voulez, mais pas Mendès France. » Comme ça, c'est réglé. Alors, il prend modestement les affaires étrangères, poste dont il démissionne 3 mois plus tard, encore une fois parce qu'il ne soutient pas la politique répressive du gouvernement en Algérie. Quand le 23 mai 56, il quitte son ministère, il n'imagine pas que plus jamais il n'exercera le pouvoir. Parce qu'en 1958, sa route est barrée par l'homme qui l'avait tant impressionné lors de leur dernière rencontre à Londres, le 20 février 1942. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. Utile comment? Eh bien, si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française. La crise algérienne fait tomber les gouvernements, puis la 4ème République tout entière. Mendès rend visite au général à Colombey. Il entretient toujours des liens forts avec lui. Mais il lui refuse en tant que député les pleins pouvoirs que de Gaulle réclame. Il ne soutient pas son retour en politique, en tout cas pas de cette façon. L'armée menace de créer un comité de salut public à Alger et l'on parle d'une invasion de parachutistes à Paris. Pour Mendès, le légaliste, on ne bafoue pas la République de cette façon. Il est extrêmement attaché à l'homme du 18 juin, mais en 1958, il ne le reconnaît pas. Et il est blessé par cette rupture. D'autant qu'à sa grave, quand le général décrit la République qu'il veut construire et contre laquelle Mendès se soulève. Parce que le président de la 5e, pour Mendès, est un monarque et les parlementaires des figurants. C'est un coup d'état constitutionnel. Il prévient, cette République est née dans la rue, elle finira dans la rue. Son opposition à De Gaulle lui coûte cher. Député de l'heure depuis 26 ans, il est balayé aux législatives par la vague gaulliste, précisément même chez lui, à Louviers. Le soir de sa défaite, sa belle-mère reçoit un appel. Au bout du fil, un homme se prétend teinturier lui passe un message. « Votre gendre vient de recevoir une belle veste. » La blessure est immense. Jamais plus il ne se montrera dans sa ville. La 4ème République est morte, la 5ème commence sans lui. En 1958, Pierre Mendès-France est un homme politique sans mandat, ni parti, et pourtant, il l'avoue bien volontiers, je sais bien qu'après De Gaulle, je suis l'homme politique le plus important du pays. Les élections présidentielles au suffrage universel auront fait d'entrée une victime, l'abstentionnisme. C'est en masse que les électeurs sont venus choisir parmi les 6 candidats celui qui leur semblait le plus apte à la magistrature suprême. 28 402 000 électeurs. 85%, dont M. Tixier-Vignancourt, ont voté, ce qui représente la plus forte participation jamais enregistrée. Pour la première fois, le 5 décembre 1965, les Français sont appelés aux urnes pour élire le président de la République. Ce n'était pas prévu dans la Constitution de 58, mais le général de Gaulle l'a fait adopter en 62. Et encore une fois, Mendès s'y est opposé. Oh, ce n'est pas sa conception de la République. Non, pour lui, la République, c'est le dialogue permanent entre les élus et les électeurs. Mendès avait bien vu les conséquences d'un tel régime pour les équilibres. Heureusement qu'il n'a pas vu l'aggravation du phénomène par Jacques Chirac et Lionel Jospin, qui mécaniquement, un mois après la présidentielle, offrent une majorité à l'exécutif, autrement dit à chèque en blanc pour le président, pendant 5 ans. De quoi faire retourner Pierre Mendès-France dans sa tombe. En 1965, pourtant, la gauche doit se trouver un candidat. Et Mendès est le plus évident, pensez donc la conscience de la gauche. Alors ses soutiens défilent dans son appartement parisien. Il faut qu'il se présente. Si la gauche a une chance, c'est avec lui. Pas question, répond-il à ses partisans défaits. Je ne suis pas votre homme. Il est impensable pour lui de se porter candidat à la présidence d'une république qu'il fustige depuis sa création. Et il est toujours convaincu qu'un juif ne peut pas être élu à la tête de la France. Alors, c'est François Mitterrand, qui était son ministre, qui se dévoue et qui ne se fait pas prier. Et les amis de Mendès le rejoignent. Ils ne se sont pas éloignés de lui, dit Mitterrand, mais lui ne faisait rien. Alors, en tout cas, Mendès soutient Mitterrand chaleureusement. Quel étonnant politique cet homme-là tout de même, qui ne se bat jamais pour lui-même mais pour les autres. D'ailleurs, il est fasciné par le personnage de François Mitterrand, qui est pourtant son antithèse. Il se demande comment il est possible de réussir en employant des moyens que lui réfute, comme la ruse, la stratégie politicienne. Mendès contribue largement au score étonnamment élevé de François Mitterrand, qui met De Gaulle en ballottage. Mais encore une fois, on lui offre le pouvoir et il le fuit. 3 ans plus tard, en 68, les événements lui donnent une nouvelle chance de se confronter au général. Mai 1968, Mendès est chez lui à Grenoble, où il est député depuis 1 an, quand il reçoit l'appel de sa femme. Elle vient le voir, devant chez elle, là, à Villemontagne, des milliers d'étudiants remontent la rue. Il faut qu'il revienne à Paris. Le malaise est flagrant. 10 ans que De Gaulle est au pouvoir. Il vieillit, mais il continue à gouverner, tout seul. Les manifestations s'aggravent, tournent à l'insurrection. On compte 1 millier de blessés parmi les étudiants, 400 du côté de la police. C'est Michel Rocard, maintenant, qui appelle Mendès. Mais qu'attend-il pour venir à Paris? Alors, le lundi 13, 2 jours après la nuit des barricades, Mendès est dans le cortège des manifestants avec Guy Mollet et François Mitterrand. Claude Nicollet, un proche, se souvient au micro de France Culture. Parce que n'oubliez pas qu'en 68, quand tout le monde était à la campagne et tout le monde crevait de peur, et que Monsieur Giscard d'Estaing venait en tapis noir rendre visite à Monsieur Mendès-France, disant « j'ai toujours été mendéciste, ne l'oubliez pas », etc. En 68, quand De Gaulle avait disparu, on ne sait pas où il était. J'ai pas de preuves, parce que j'ai pas des documents, ou qu'il n'y a pas de documents écrits, d'ailleurs, à mon avis, là-dessus. Mais c'est ma conviction profonde, et je l'avais quand même pas mal fréquenté durant ces années, que Mendès attendait ce moment depuis 58. Il l'attendait depuis 10 ans. Mendès a 61 ans, et sa mentalité est assez éloignée de celle des étudiants en colère, qui le tutoient et qui l'appellent camarade. Eux sont trop jeunes pour se souvenir du Superman de l'Indochine. Mais Mendès a toujours une puissante aura chez eux et chez les intellectuels de gauche qui commencent à se regrouper derrière lui. Parce qu'ils le sentent. 68, enfin, 13 ans après son départ du pouvoir, c'est de nouveau le moment, Mendès. Le journal Le Monde titre « Mendès à l'Élysée ». Le 19 mai, l'intéressé s'exprime sur France Inter. En refusant constamment depuis 10 ans de discuter aussi bien avec les représentants des ouvriers, des étudiants, des paysans qu'avec les élus du peuple, en se réservant, et avec quel mépris de l'opinion, le monopole de toutes les décisions. Le pouvoir a créé une situation révolutionnaire. Il ne peut plus rendre qu'un seul service au pays, se retirer. Le 27 mai est prévu un grand rassemblement au stade Charletti. Michel Rocard, Gaston Defer, tous ses soutiens l'exhortent à prendre la parole. Parce que s'il parle là, devant ces dizaines de milliers de manifestants, il peut prendre la tête de la contestation. La veille, il assiste à une réunion des représentants du mouvement. Jacques Sauvageau, le président du Neuf, s'énerve en le voyant arriver. Mais qu'est-ce que c'est que ces politiciens décadents de la 4e République ? Que vient-il faire ici ? Nous n'avons pas besoin du gadget Mendès France. Et le jeune insolent continue en lui jetant des boulettes de papier. Mendès ressort de la réunion avec une conviction. Le lendemain, il ira à Charletti pour voir, pour comprendre. Mais il ne parlera pas. Il n'y a pas sa place. Il avouera plus tard, en mai 68. J'ai eu très peur. Claude Nicolet raconte. C'était l'apocalypse. C'était de l'apocalypse. Le gouvernement préparait le bain de sang. On allait tirer sur les étudiants. Il y aurait 20 000 jeunes étendus sur le torse. Et vous, nous savons maintenant que... Ils n'ont eu qu'un souci, c'est qu'il n'y ait pas un blessé, pas un mort. Tout ça, c'était du baratin pour la presse, pour la télévision. C'était du cirque parisien, 68, et rien d'autre. Mais je crois que lui y a cru, et il est allé à Charletti. Après, il nous a dit, j'étais le seul à pouvoir m'interposer entre la police. Ça ne lui a pas réussi. Mendès part pour Charletti à 17h. De l'extérieur, déjà la mer de drapeaux rouges et noirs pendus au stade et la foule qu'on entend à des kilomètres donne l'impression d'une poudrière. Mendès entre, se promène, salue les manifestants, discute, interroge. Michel Rocard le trouve dans la foule et le supplie. « Monsieur le Président, nous avons organisé cette manifestation pour que vous parliez. Alors parlez maintenant. » Mais c'est un non définitif. Rocard est décontenancé. Mendès quitte Charletti avant la fin. Il laisse passer sa chance, encore une fois, parce que le lendemain, François Mitterrand convoque une conférence de presse. Il exige le départ du général de Gaulle et se porte candidat à sa succession, proposant Mendès France comme Premier ministre, lequel a probablement pu se féliciter rétrospectivement de son refus de participer à la conquête d'un pouvoir qui n'était pas à prendre. Mais l'honneur est sauf. Le 21 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République 11 jours plus tôt. 23 ans après la création de la 5e République, la gauche accède au pouvoir. Dans la salle des fêtes de l'Élysée, 200 personnes attendent de serrer la main de François Mitterrand. Après un discours d'investiture où il mesure le poids de l'histoire, il s'arrête devant Pierre Mendès France, plus longtemps que devant les autres. Mais il lui glisse. Indépendamment de ma famille et de mes amis personnels, vous êtes la personne dont la présence ici me touche le plus. C'est la justification de tant d'années dont vous avez été l'initiateur. Sans vous, rien n'aurait été possible. C'est aussi votre œuvre. Pierre Mendès France regarde Mitterrand. Il pleure et meurt un an plus tard, le 18 octobre 1982, à l'âge de 75 ans. Il fut une part de notre honneur, déclare François Mitterrand. Une part de notre histoire. Le temps s'en souviendra. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. avec le temps. Tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Pierre Manès France, dont nous allons parler avec notre invité, Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Talendier a publié en octobre dernier donc ce livre, intitulé Les perdants magnifiques de 1958 à nos jours. C'est un ouvrage que vous avez dirigé. C'est avec vous et votre équipe d'auteurs que nous proposons cette série sur les grands perdants en politique. D'abord, d'où vient l'idée d'écrire un livre sur les perdants? La défaite est-elle romanesque? Bien sûr, la défaite est romanesque. Et puis, on s'est aperçu, et tous ceux qui aiment la politique s'en aperçoivent, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on a des personnages qui ont été des gens très intéressants, ou peut-être les plus intéressants de leurs époques, des gens très brillants, charismatiques, extrêmement profonds, comme l'était Pierre Manès France, et qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su aller jusqu'au pouvoir. Et donc ça pose forcément un questionnement. Les historiens se posent toujours des questions. Qu'est-ce qui explique que ces personnages, Mendès France, Roca et d'autres, n'aient pas pu aller jusqu'au bout, qu'ils n'aient pas pu séduire l'ensemble des Français? Bon, bah il y a là des mystères, et c'est ça qu'on a voulu élucider. Alors, parmi ces gens qui ne sont pas arrivés au pouvoir, évidemment, dès lors qu'on a ne pas aller au pouvoir, on laisse un souvenir moins fort, c'est normal. Quel souvenir laisse Pierre Mendès France de respect? Moi, je vois une espèce de culte évanescent du respect. Pas plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Exactement. Il a laissé incontestablement. Alors, dans la classe politique, et dans une classe politique qui malheureusement est en train de disparaître, un immense respect pour ceux qui le représentaient, ceux qui l'avaient connu quelquefois sous la troisième, mais en général plutôt sous la quatrième et sous la cinquième, et à gauche une sorte de statue du commandeur que tout le monde respectait. Et c'est vrai que la scène que vous avez décrite tout à l'heure de l'intronisation de François Mitterrand a participé à cette construction. Oh oui. Quelle image. Du mythe Mendès, de ce culte de Mendès comme figure fondatrice du retour de la gauche au pouvoir. Mais il n'y a pas eu ces moments cultuels ou ces moments commémoratifs qu'on a pu trouver pour le général de Gaulle, pour François Mitterrand, voire si on remonte dans le temps pour Georges Clemenceau, parce que précisément il n'a pas ou très peu exercé le pouvoir, et donc son influence reste diffuse comme une sorte évanescente. Évanescente, c'est ce que c'est le mot exact. Évanescent du respect. Le respect, il est important, et Pierre Mendès France a laissé une trace importante. Alors chez les politiques, hein, dont c'est le métier, est-ce qu'on peut dire que les héritiers, ce serait, bon, je dirais, Rocard, Delors, DSK, Hollande? En tout cas, ils s'en sont revendiqués, ouais. Tous. Mais on pourrait retrouver des influences aussi chez des hommes de droite comme Jacques Chaban-Delmas, puisque l'entourage de Chaban, c'était des mendésistes. Voilà, par exemple, comme Nora ou comme Delors, justement. Oui, comme Delors, directement. Mais c'est vrai que, notamment dans la famille socialiste, il y a une trace très très très forte. Il y a un courant qui se réclame à travers Rocard, qui se réclame, n'oublions pas que Rocard et Mendès se sont côtoyés au PSU. Bien sûr. Que Mendès a, à honorer, je dirais, de son prestige. Et donc là, il y a une vraie filiation, ce qu'on appelait la deuxième gauche aussi. Oui, hein. Donc il y a véritablement là quelque chose qui s'est, et qui, je le pense, doit encore parler à certains, en tout cas au Parti Socialiste. Comme beaucoup d'hommes politiques, on pourrait définir Pierre Mendès-France par ses idées et par son comportement. Le comportement, c'est la probité, je pense, hein, en politique. Oui. Ces idées, elles sont social-démocrates. Oui, c'est ça. Hein? C'est d'abord, n'oublions pas, d'abord, c'est un homme du Parti radical. C'est donc quelqu'un qui se situait au centre-gauche sous la Troisième République, mais dans la partie la plus progressiste du Parti radical. Il faisait partie dans les années 30 de ce qu'on appelait les Jeunes Turcs, avec Jean Zay, Pierre Cotte, gens qui étaient des vrais hommes de gauche. Mmh. Au centre, d'accord, mais des hommes de gauche. Et c'est pourquoi il a participé au Front Populaire. Il avait beaucoup insisté pour que le Parti radical fasse partie de cette coalition avec les socialistes et les communistes. Donc, à gauche, il l'a toujours été, mais une gauche pragmatique, une gauche qui ne veut pas négliger les contraintes économiques, on dirait aujourd'hui les contraintes de la mondialisation, qui était pour lui déjà quelque chose de très présent. Donc, il s'inscrit dans cette mouvance, incontestablement. Alors, on en arrive à l'affaire sensible autour de Pierre Mendès-France, cette façon de ne pas vouloir conquérir le pouvoir. Alors, puisqu'on a dit que c'était un homme de probité, c'est vrai que cela est du ressort d'une vraie conviction et un refus de la compromission vis-à-vis d'un système politique qu'il récuse. Est-ce que tout simplement l'idée selon laquelle la France est passée à côté de lui, ou il est passé à côté de la France, ne tient pas qu'à ça? Et c'est beaucoup déjà. Fondamentalement, ça tient à ça. D'ailleurs, il s'est opposé aux institutions de la Ve République, très bien montré. Il s'oppose à la manière dont De Gaulle a, par une sorte de coup de force, mis en place ces institutions. Et il s'oppose à ces institutions parce qu'elles sont présidentielles et elles mettent en place de facto une sorte de monarchie républicaine qui est totalement le contraire du parlementarisme cher à Mendès-France. Mais il s'était déjà, quand il devient président du Conseil sous la 4e République, là aussi il est dissident par rapport aux institutions de la 4e République. Il refuse ce qu'on appelle la double investiture. Il refuse d'être le jouet des partis politiques. Donc il a refusé la 4e en réalité, le jeu de la 4e, et il a refusé le jeu de la 5e parce qu'il n'était pas là pour lui-même, mais pour faire prévaloir ses idées. C'est très clair. Et c'est un peu la différence avec François Mitterrand, qui lui a choisi de pactiser avec les institutions de la 5e République pour amener la gauche au pouvoir. Et pour incarner ces institutions. Aussi fort que les autres, voire plus. Ça veut dire, on a vu Emmanuel Macron arriver le soir de son élection sur un tapis rouge devant la pyramide de Louvre. Hein. Oui, rendant hommage à la fois au général de Gaulle et à François Mitterrand. Ouais. Enfin, on n'est pas loin du roi thaumaturge, ce sera pour l'un ou pour l'autre, mais telle est notre constitution. Phrase importante de Pierre Mendès-France, il disait « Ce régime est né dans la rue, il finira dans la rue ». Alors, je ne sais pas s'il a dit ça avant mai 68, si c'est ça, c'était comme presque parfaitement visionnaire, presque. Les gilets jaunes aussi auraient pu, d'une certaine façon, lui donner raison, même si ça n'est pas allé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que, à ses yeux, d'abord, l'origine, c'est ce qu'on appelle les coups d'État du 13 mai 58, hein, la manière dont De Gaulle arrive au pouvoir. Et puis, cette manière de gouverner qui, pour Mendès-France, restait plébiscitaire. Et il y a un célèbre dialogue avec Georges Pompidou en 1967. Pompidou lui dit « Vous êtes resté un homme de la Troisième République ?» Et il dit à Pompidou « Mais vous êtes resté un homme du Second Empire. » Au fond, pour Mendès-France, fondamentalement, c'est du bonapartisme. Et le bonapartisme, il induit une sorte de rapport de force permanent entre ceux qui dirigent et le peuple. Et à un moment donné, ça doit éclater en quelque chose de très frontal, de quelque chose de très binaire. Et le peuple, ne se reconnaissant pas dans une démocratie parlementaire qui est véritablement représentative, on se tourne vers la violence de rue. Jean Garrigue, on va se retrouver dans 3 minutes, bien sûr, pour continuer à parler de Pierre Mendès-France et de la radio aussi, vous verrez pourquoi. Après avoir écouté Beck qui chante cette circonstance, Loser. Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about. guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So Loser. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Oui, loser égale perdant, comme Mendès France qui a mis un peu du sien quand même pour perdre. Alors on aime bien Mendès France ici parce que c'est un homme qui aimait la radio. Bon, la télé n'était pas très développée sous la quatrième. Mais il aimait beaucoup la radio, les causeries au coin du feu. Hein, c'était voilà, parce que il y avait dans son idée de l'homme politique une exigence de dialogue permanent avec les citoyens. Alors pendant les sept mois et demi que dure son gouvernement, entre 54 et 55, il parle 27 fois aux Français, à la radio, à tous les Français. Écoutez le message qu'il passe notamment aux écoliers pour la rentrée 54. Je vous vois donc assis à vos bancs, mes petits amis, encore un peu intimidés par la rentrée. Il se peut qu'un rayon de soleil pénétrant par la fenêtre vous rappelle soudain les moments de liberté dans les bois ou dans les champs, et que tout naturellement vous vous posiez cette question. Pourquoi donc faut-il aller à l'école ? Je vais vous le dire. Vous serez, dans peu d'années, des hommes, des femmes, chargés de travaux importants, pour vous, pour vos enfants, car vous aurez des enfants à votre tour, et pour la France, que vous aimez de tout votre cœur. Il faut que vous soyez fort pour ces travaux futurs. Écoutez-moi bien, tout ce que vous apprenez vous servira un jour. Tout ce que vous négligez vous manquera peut-être un jour. Oui, papa. il y a un côté paternaliste, mais pas dans le sens péjoratif dont on l'entend souvent. Il y a vraiment paternaliste, les enfants de France. Ben voilà, moi je suis un vieux monsieur, mais j'ai l'expérience et je veux dire ce que vous pouvez faire. Mais il y a surtout une popularité incroyable qu'il avait auprès des jeunes, parce que quand il arrive au pouvoir en 1954, il y a ce qu'on appelle le mendésisme, très largement d'ailleurs produit par le magazine L'Express, créé pour ça par Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Giroux, avec les initiales PMF. Hein. Et les initiales PMF, c'était la reprise au fond de FDR, de Franklin Roosevelt, qui lui-même était l'inventeur de ces fameuses causeries radiophoniques au coin du feu. Et Mendès s'est inspiré de ça. Et cette façon qu'il a de s'adresser aux jeunes lycéens, aux collégiens, même écoliers, quelque chose qui nous apparaît un peu suranné, mais qui l'inscrit aussi dans cette grande tradition au fond républicaine. C'est le fils de Jules Ferry, là. C'est l'héritier de Jules Ferry qui s'adresse aux petits Français. Et alors, ça lui a coûté cher parce que, notamment, il conseillait aux Français de boire du lait. Et l'opposition, les poujadistes notamment, et les fameux bouilleurs de cru, ceux qui faisaient de l'alcool, l'ont beaucoup critiqué. Gros lobby pour d'ailleurs. Ça. Gros lobby. À l'époque. Qui est l'un des responsables de sa chute, hein, en février 1955. L'avait surnommé Mendès Lolo. Et entre les accusations de antisémites qui pesaient sur lui et cette histoire de Mendès Lolo, ben voilà des choses qui lui ont beaucoup, qui ont fait mal à sa carrière. Qu'est-ce qui explique sa chute au-delà de ces deux, ces de considération ? Alors, ce qui explique sa chute, c'est une coalition de ses adversaires. D'abord, les colonialistes, qui ne supportaient pas sa politique de décolonisation en Indochine, et puis au Maroc et en Tunisie, parce qu'il avait commencé la décolonisation de la Tunisie et du Maroc, qui étaient hostiles aussi à sa politique de... comment dire, de négociation. On était au tout début de la guerre d'Algérie, mais enfin, lui était partisan d'une négociation. Il y avait aussi le MRP, les centristes, qui lui reprochaient de ne pas avoir appuyé cette fameuse CUD, Communauté Européenne de Défense, qui était en train de se créer à l'époque. Donc, il y avait une sorte de coalition d'adversaires comme ça. Et puis, fondamentalement, ce qu'on lui reprochait, c'était justement de faire un jeu qui était hors des partis. De dire la vérité, notamment. De dire la vérité. Le Cassandre. Simplement. Le Cassandre. Et c'est ça qu'on lui a pas pardonné. Ouais, c'est un rôle difficile à tenir. Rôle difficile. Alors, pour ceux qui nous écouteraient, qui se diraient, mais enfin, pourquoi son gouvernement n'a duré que 7 mois, s'il était si bien que ça, ben, faut rappeler ce qu'était la 4ème République. La 4ème République, c'était le jeu des partis qui, à un moment, s'alliaient les uns avec les autres, puis se combattaient, etc. Et comme je le répète, lui ne voulait pas jouer ce jeu et voulait faire la politique qu'il avait promise aux Français, mais ça ne fonctionnait pas, ça n'a pas pu fonctionner. Il a surtout été lâché, il faut le dire, par son parti, qui était le Parti Radical, et qui était en désaccord avec lui sur beaucoup de points, et notamment, j'y reviens encore, sur la décolonisation. Lui était décolonialiste, les autres voulaient sauvegarder l'Empire français. Est-ce qu'après 68, qu'est-ce qui s'est passé entre 68 et 1981? J'ai pas l'impression qu'on l'a beaucoup vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu quand même, pour l'élection présidentielle de 1969, son nom a été prononcé. Oui, j'en ai parlé. Disons après 69. Exactement. Alors, je pensais plutôt à 74, qui était un moment fort de la vie politique française. Non, on l'a pas vu beaucoup. Hein. Non, à ce moment-là, après l'élection de 69, où il avait fait un ticket avec Defferre, il aurait été le premier ministre de Gaston Defferre, président de la République. Enfin, qui a fait 5%. Voilà. Ça pouvait absolument pas marcher. Après ça, il a eu des problèmes de santé. Il s'est mis un peu en retrait de la vie publique, ou plutôt de la vie politique. Okay. Et surtout, s'est focalisé beaucoup sur la question de la paix entre Israël et les Palestiniens. C'était sa grande idée. Et il a d'ailleurs fréquenté Menahem Begin et Anwar el-Sadat au moment des pourparlers entre l'Égypte et Israël. Et c'était vraiment son obsession, arriver à une solution de paix au Moyen-Orient. Merci infiniment Jean Guéric, ce sera le dernier mot de notre entretien autour de ces perdants magnifiques, est aussi le titre du livre que vous avez dirigé, qui a été écrit par beaucoup de belles plumes, hein, Michel Cotard, Christine Claire, Cécile Amar, Renaud Dely, bon je ne peux pas les citer tous, hein, mais sur le site de France Inter, sur le net, vous trouverez tout, et de toute façon nous allons en inviter certains, puisqu'on va se retrouver tous les lundis pour parler politique autour des perdants magnifiques. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Pierre Mendès France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Évidemment, à la technique aujourd'hui, il y avait Antoine Gomez.